passe-passe-moi, des fois j'ai l'impression que ma petite vie fait du surplace, que j'ai pas pris les bonnes options. Plus je restais à y penser, plus ça me pesait sur le cœur. Et puis un jour j'ai décidé simplement d'aller voir ailleurs. Mais partout où je traînais, partout où je vis, les questions sont les mêmes et les réponses aussi. Et c'est bien emmerdant, qui peut dire où nous porte le vent. Aïe, aïe, aïe, je me demande souvent, qui peut dire où nous porte le vent. Dans tous les bistrots du terroir, auprès des petits vieux à casquette qui lèvent le coude près du comptoir, j'en ai récolté des railleries, des gueules de bois et des torgnoles, des soupirs et des tranches de vie, des rires et des haussements d'épaules. J'ai appris que la vie nous joue des parti vers d'autres horizons. Une question cependant, qui peut dire où nous porte le vent. Aïe, aïe, aïe. Je me demande souvent, qui peut dire où nous porte le vent. Où nous porte le vent. J'ai traversé le désert, j'ai parcouru la savane, en mobylette, en dromadaire, en pirogue, à pied, à dos d'âne. Et du Maroc jusqu'au Mali, j'en ai vécu des expériences. Et rien qui permette aujourd'hui de dire que la vie a un sens. Oh non. Et sur le port hier soir, un vieux marin bourré m'a dit, prends ta guitare et arrête de chercher. C'est bien plus marrant si tu te laisses porter par le vent qui se lève. Je crois qu'il est temps que je me laisse porter par le vent.